LSTY, le master, check mon héros. Aïe, wesh les mat, 45 Orléans. Wesh Minos, comment? C'est la patate de Minos, pastos de Nivek. Gire, gire, salomaïque. Avec de l'inspiration et un verre de soda, je fabrique des rôles pas saignantes à la soda. Tu peux m'apercevoir posé à la tienda avec des gaz crédits, je pense comme des soldats. Demande à la Mali, dans mes têtes c'est chaotique. Face aux Roumanie, ce qu'on veut c'est des soulamis. Le pactole pour se barrer d'ici. Les problèmes on anticipe en situation difficile. J'ai le genre de mec posé qui parle pas trop. Connard c'est pas le patron, au mix c'est pas sale con. J'impose mes obligations, je pose à ma convenance, je me restreins pas dans mes prestations. Va niquer ta race si tu manques de respect. Que tu meurs violemment, c'est tout ce que j'espère. J'ai pas le temps à perdre dans la putain de rigolade. Ou de faire du cinéma comme les rappeurs mythomanes. Wesh mon négro, c'est LSTY pour la mixtape de Minos. Wesh Nivek, wesh Jean Motif, c'est comment? 45, 41, check. Aïe, parole de master foiré. Toujours hâte pour défourailler. Solo mic, mixtape, Nero. Check. Aïe, parole de master foiré. Toujours hâte pour défourailler. Solo mic, mixtape, Nero.